on doit partir en Corse pour une semaine avec un groupe, mais nous avons une journée libre à Ajaccio. D'accord. Vous voulez vous occuper. Voilà. Vous vous êtes dit, tiens, je vais appeler Jean-Sébastien. Et vous êtes logé à Ajaccio, vous Non, nous sommes logés à Portigliolo. D'accord, donc c'est dans le golfe d'Ajaccio. Les dieux de la Méditerranée, c'est clair, auraient pu s'installer en villégiature en Corse. Vous connaissez déjà Michel ou pas du tout ? Pas du tout, c'est la première fois. Eh bien, vous allez découvrir une île qui est un mélange de rocailles, de volupté, d'austérité, de parfums d'îles lointaines, accrochées à la montagne, isolées dans le maquis. Il y a des maisons de pierre, des maisons d'ardoise qui abritent des secrets de famille et des souvenirs. De Vendetta, c'est ça le charme de la Corse. C'est un peu ça, c'est vrai, comme vous le dites bien. Et puis les plages, bien sûr, ils sont paradisiaques, hein. Il y a des criques ultra secrètes. Michel va dans quel coin ? Ben en fait, c'est au sud d'Ajaccio, c'est dans le golfe d'Ajaccio, c'est donc dans le bas de l'île, c'est en Corse du Sud. Et Portigliolo, c'est un endroit qui est juste à côté de Cotticiavari, qui est un village qui offre une vue incroyable sur ce golfe d'Ajaccio. Alors les plages dans ce coin sont super chouettes. J'espère qu'il recommencera à faire un peu chaud en avril et que vous puissiez en profiter. C'est la dernière semaine. Oh bah ça devrait aller. Ça va, vous allez pouvoir vous régaler sur les plages. Alors des petites balades quand même à Ajaccio, donc et par exemple. Bah, vous allez découvrir, Michel, une ville plutôt agréable avec des vieilles rues aux maisons colorées. Il y a la vieille ville, il y a le marché. Bon, il y a la partie un peu plus moderne, pas toujours géniale. Et bien sûr, l'ombre tutélaire de Napoléon, l'enfant du pays. Il faut visiter d'ailleurs la maison Bonaparte, hein, ça c'est obligé, où la famille vécut à partir de la fin du 17e. Il reste rien du décor original. Napoléon III a tout refait. Alors dans le registre des napoléonitudes, il faut voir la statue de l'empereur, place d'Austerlitz, monument totalement colossal où on peut lire les 33 victoires du stratège. Vous pourrez finir en visitant le salon Napoléon à l'hôtel de ville. On y voit des portraits ainsi que l'acte de naissance de Napoléon et son masque mortuaire.